trop rock pour vous. La peur qui vous terrasse, mes accords qui vous tracassent, ou mon rock qui vous déclasse. J'étais trop rock. Carapace, vous y verrez rien.